sous les hits numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 sur les nouveaux hits. Énergie, de ta tu te débattes. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Aya Nakamura et Joe Edouette Filé. Hit music only. Alors, laisse-moi regarder ça, 175, 65, 14, lancer la recherche. Doudou. Ah ouais, quand même. T'es occupé? Oui, Doudou, je cherche les pneus les moins chers et ils sont à l'univers du pneu. Plus bas, il n'y a pas. Par exemple, donne un prix pour le 175, 65, 14 en budget. 60 euros? 46 euros à l'univers du pneu. Le montage, l'équilibrage et les valves sont gratuits et les prix imbattables sur toutes les dimensions dans toutes les marques. Michelin, Even, Toyo, Bridgestone et Budget. En plus, on part avec les pneus. Et on paie à 90 jours en octobre 2025. Du neuf sans payer. En effet, plus bas, il n'y a pas. Venez vite à l'univers du pneu à Cayenne et à Kourou. Pour tout renseignement, 05 94 39 07 24. Offre valable jusqu'au 6 août. Si tu crois que cette année, je vais passer mes vacances en mode avion, ce sera sans moi. Hein. Moi, je veux de la liberté dans ma data. Je veux du fun dans mes gigas. Et vous avez raison d'en vouloir plus. C'est pour ça que chez Orange, on vous propose 15 gigas dans la Caraïbe avec notre forfait 200 gigas à 14,99€ pendant 6 mois avec Open Multiligne. Orange est là. Offre soumise à condition avec engagement de 12 mois réservé aux particuliers à partir du 19 juin. Plus d'infos sur orangecaraïbe.com ou en boutique. Chez Guyane Matériel, profitez de la puissance de la gamme MS Heavy avec les engins de chantier Hitachi. Pelle et mini-pelle de 1 tonne 9 à 35 tonnes. Vente, pièces détachées, entretien, réparation, un service complet, local et réactif, proche de chez vous. Venez découvrir notre parc de machines en stock et nos possibilités de financement au 5 rue Raoul Tanon de Pélissier à Zédicolerie-Cayenne ou au 0694 45 53 27. MSEV avec Hitachi, c'est solide, fiable et disponible. Guyane Matériel, votre partenaire chantier de A à Z. Vacancier de Guyane, prépare-toi, la Wave est de retour pour une expérience musicale unique. Et cette fois-ci, elle s'installe au Barrio pour tout l'été. La Wave, du bon son de tous les horizons, des cocktails plus frais que jamais et un cadre à folie Instagram. La Wave, rendez-vous le mercredi 9 juillet de 18h à 1h jusqu'au 27 août. Prévente disponible sur Bizouk et reste à l'affût de nos réseaux Instagram, La Cop, un événement en partenariat avec Énergie Guyane et le Barrio. Mal réveillé ou bien luné, bien coiffé ou mal rasé, mal habillé ou comme des reines de car, votre magasin de chaussures Eram vous accueille au centre commercial Mon Joli 2. Eram, votre magasin de chaussures qui s'inspire autant des podiums que d'Instagram pour proposer des collections actuelles rythmées par les tendances du moment pour chausser toute la famille à Prix Métropole. Eram, fou de vous. Des soldes qui donnent le sourire, de super soldes auxquels aucune d'entre nous ne résiste, avec des remises allant jusqu'à 50%. Soldes selon date arrêtée préfectorale. Qualité, prix bas et plaisir au rendez-vous. Du mercredi 2 au dimanche 13 juillet, découvrez notre catalogue, vos jours hyper promo et profitez de nos offres exceptionnelles. Frange de poulet nature à 79 centimes les 340 grammes. 8 pains au chocolat pur beurre U à 3,49€ le kilo. Le brie pasteurisé macrémière, 25% de matière grasse à 9,90€ le kilo. C'est le moment idéal pour faire des économies sans renoncer au goût ni à la qualité. Rendez-vous vite en magasin. Commerçant autrement. Miss Guyane Organisation présente l'élection de Miss Guyane 2025 le samedi 12 juillet au PROC de Matoury. Venez soutenir les 9 prétendantes de la couronne qui vous offriront un show exceptionnel sous le thème L'Odyssée des fleurs avec la présence de Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025. Qui succédera à Jade Fansona, Miss Guyane 2024, vous le saurez samedi 12 juillet à 20h précise au PROG. Billetterie en ligne sur sabouche.fr. Miss Guyane 2025 avec le comité du tourisme, la CTG, la CACL, Guyane Automobile, Mercure Royal Amazonia, Air Caraïbes, Signarama, la ville de Matoury, Ambulance Les Alizés, Flexible, Davidson Coiffure, Natural Chic Air, Jean Best, Bamirag Energy, la CCDS, McDonald's. Ceci est un communiqué urgent. Si vous êtes propriétaire d'une Toyota, écoutez bien ce qui suit. Suite à une série d'airbags défectueux, nous recherchons les propriétaires de Toyota modèle 2017 et antérieur pour une vérification et un remplacement gratuit de leur airbag. Vous êtes concerné? Alors appelez vite le 0594 10 64 84 pour prendre un rendez-vous. Le 594 10 64 84. Les véhicules Land Cruiser et CHR ne sont pas concernés par cette annonce. Nouveau à Saint-Laurent-du-Maroni, Liberty Gym, votre nouvelle salle de sport dernière génération. Liberty Gym, c'est des machines haut de gamme, des abonnements sans engagement, des coachs sportifs à votre disposition, des douches et vestiaires individuels. Liberty Gym, devenez la meilleure version de vous-même. Téléchargez vite l'application gratuite Liberty Gym sur votre smartphone. Liberty Gym, 29 rue de la ZA de Saint-Jean à Saint-Laurent-du-Maroni. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h avec accès illimité. 05 94 27 60 89. my side. I don't wanna ever break away from you, or the light might go away. I need you in my life. Let my smile bring you peace of my burning desire. When you throw your arms all around me, need to feel all your passion. You and I create magic. I just couldn't hold this. When you look me in my eyes, I see further than hindsight. Take me out my mind. Every turn leads you back to me. Burning desire when you throw your arms all around me. Need to feel all your passion. You and I create magic. I discover wholeness. When you look me in my eyes, I see further than hindsight. Take me out my mind. I ever break away from you, or the light might go away. I need you in my life. Hello? Yes, I watch my money. You got killed. I'm Vikings representing the right to spot that channel. I'm not here to that channel. Yo, Diamond Chris Record. God chill me, my you. Golf. I'm not here to check every bumbo classic, my you. Tell poverty R.I.P. Money is all I see. Now we live in I-Trap. Live in I-Trap, you know. Me two dunce to show ID. Remember we got cash. Fully dunce. VSOP VT. When time me pull up at the car wash. And a 3-9 me G. When time me dad trip up one glass. Anthony Pop. Move. It was somebody got trap. One phone call me GM, just make a million flat. Hello. I'm soon double that. Rich. No one buy one yet. Rich forever and guns like bad. 3-9. What you know about max out credit card, pay that back. Quick sculp on the line, we ready for pay tax. No. Canadian goons and food at Ajax. And a 5.2 go through the earlock. Put my skull in her, run her monk, she favor. Go for money anywhere, some country era. And a loan Benjamin Boston with Shira. The amount of any and lobster and conch she pay for. Right. Two phone call like a dial and a stop. Soon buy Benz, me dog, me not cap. Grills, pan, teeth and Rolex, pan, watch. Jill was steel, pan, stone and some black house. Designer slide with teeth and some socks. Ooh. Me decide me minor leads and broker. So me lift on the line la vida loca. And when me say game of fraud no poker. Tell poverty R.I.P. Yo, give me a walk. Money is all I see. Cause we live in I-Trap. Yeah. Me two dunce to show ID. Remember we got cash. Fully. VSOP VT. When time me pull up at the car wash. And a 3-9 me G. When time me dad trip up on glass. Anthony Pop, you know somebody got ya. One phone call me G, I'm just like a million flat. I'm soon double that. No man buy one yacht. Rich forever and guns like what? Fresh Monday, we pull million of food. You wake up, be a clean and ugly and a look. Big food, jack down, you smell it a cook. It's a car, man, moment, me see where this a do. Then fat pussy girl, I say she woke up a taboo. Me say done, she say fully, so she show me the tattoo. You see the black GLE, pan it all and it a pop. Pull up on the pump at 20 toes of it a pop. Some chap, I say them chap, me wonder what them a chop up. Online, I in a meal, me have the food, them a stack up. The panel line, I in a jail, me chop a food in a lock up. Them chop a yana, no name, me tell her nothing, look how up. Who you think I get the blame when you turn out to be a cruff? Me and you is not the same, me nah no shame, no give a fuck. We work for everyone, me mom, me say no give up. Don't tell me, say me can't, me have to reach and it's a must. Tell poverty, R.I.P. Money is all I see, how we live in a trap. Yeah. Me too done to show ID, remember we got cash. VSOP, VP, when time me pull up on the car wash. And a 39 me G, when time me dab, chip up on Glock. Anthony Bob, move. There was somebody got ya. One phone call, I'm just like a million flat. Hello? Soon double that. Rich. No man buy one yet. Rich forever and guns like that. Yeah, I don't know if I keep representing Ferrati Sparta channel. I'm here to see that channel. My latest and baddest. Chapter one day. Fully, fully, fully. Purge. Idiocy, idiocy. Tous les hits numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1 sur les nouveaux hits. Énergie. De ta tête, tu te badges. Ça te dérange, je m'as pas dit. Aya Nakamura et Joe Edouette Filé. Hip music only. Hip music only. Pas de la magie, j'en fais des tonnes avec mes atouts, je le matrix. On parle des heures au téléphone, j'avoue, je le matrix. Il dit que je suis chiante et capricieuse, mais je vois la rebelle. Des câlins, des caresses, en vrai l'encre de moi. Je suis choqué, choqué, choqué, choqué, choqué le pot. Choqué, choqué, choqué, choqué, choqué le pot. T'aimes trop les folles comme moi, assume. Faut du cardio, je te l'avais dit. Mon body space is sexy, sexy, sexy, sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum, j'ai compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et de badie. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le comprends, le jacadie. C'est normal, je suis sagadie. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. Avec elle, je suis doux, elle est méfiante. Elle est trop chargée, donc je suis jamais méchant. C'est pas le genre de meuf à qui tu poses des questions. Elle est crazy, mais je la kiffe et c'est pas récent. Tu fais croire qu'elle décide, mais après minuit, dis-leur qui tient la manette. Hein? Dis-leur qui voit des paillettes. Hein? Qui en une nuit fait le tour de la planète. Hein? Ouais, des attitudes de badis, mais c'est ma baby. Mon body space, sexy, sexy, sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum, j'ai compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes de badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le comprends, le jacadie. C'est normal, je suis sagadie. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. C'était pas prévu comme ça, bébé. Mais je te voulais, t'as trop de charme, oui. Mais ça s'est fait comme ça, bébé. Il est possible qu'entre nous ça s'enflamme. C'était pas prévu comme ça, bébé. Mais je t'ai roulé, t'as trop de charme, oui. Mais ça s'est fait comme ça, bébé. Il est possible qu'entre nous ça s'enflamme. Cette attitude de badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le comprends, le jacadis. C'est normal, je suis sagadis.